Il n'y a pas de mort digne. Notre corps nous lâche parfois quand on a 90 ans, parfois avant même qu'on vienne au monde, mais ça arrive fatalement, il n'y a jamais de dignité là-dedans. Peu importe qu'on puisse marcher, voir ou se torcher les fesses tout seul, c'est toujours une horreur, toujours. On peut vivre dans la dignité, mais pas mourir. Y'a pas de mort digne, entre les suicides, l'euthanasie, les scènes tragiques, même sous anesthésie. J't'avoue, le mal agit, c'est maladif, trop de maladies. Et de mal à se dire que cette vie va nous mener à finir à la mort comme un bout de viande au rayon surgelé. Surgelé la tête haute, même si c'est l'hécatombe, j'avance pas la tête basse comme ceux qui cherchent à creuser leur tombe. Danse, non, y'a des flammes, des plaintes et des défunts. Nos jours, la vie, c'est comme un film. En moins de 2 heures, tu peux en voir la fin, mais ne te plains pas. Car c'est normal que la vie défile. Pas besoin d'avoir la corde au cou pour voir que la vie ne tient qu'à un fil. La vie, c'est un battre, plein de la jeunesse, les vieux en vie, c'est petit. Pourtant, ça se voit que leur plaie, dans la tise, pas dans l'antiseptique. Susceptible, car la vie est un combat face au coup bas. Faut qu'on combatte les gens, ce qu'on part. Mais n'écoute pas quand dès qu'on parle ou dès qu'on parle. C'est le débat des sujets morbides. Remballe tes théories, tiens la leçon, y'a pas de mort digne. Et tu dignes de vivre dans cette crasse qu'on a. Faut que tu étudies ces livres, car le crack nous a. En plus, tu me dis que t'es ivre. Dans le crack, tu bois le coup les habits. Survivre pour une mort digne. Et tu dignes de vivre dans cette crasse qu'on a. Faut que tu étudies ces livres, car le crack nous a. En plus, tu me dis que t'es ivre. Dans le crack, tu bois le coup les habits. Survivre pour une mort digne. On se fait constater, quand on voit tous ces constapés, que la raison de rester homme n'apparaît pas, et c'est ce qui constate. Fait des tas de pertes, les autres sont la salle pétrière. La faucheuse guette et perma, c'est des bouts de crâne à la serpillière. Y'a pas d'unité à voir, ça vise des goupillés. Les suicides s'en suivent, mais sans suite, on t'a déjà oublié. La vie fait du chantage et le contrôle, ses sbires nous entraîne dans la passe. On veut pas perdre la face comme Chantal Sébir. Le temps s'étire, on repart autant des bêtises qu'un fils cramé à faire des bêtises. La vie, c'est un putain d'arbalèse. Soit tu souffres, soit tu finis au bord du gouffre pointé à l'arbalète. Tout se cache dans la nature ou dans un cul-de-sac. La dignité d'un corps qui baigne dans la température du lac. Reste en vie et essaie d'être autopsie. Tu veux pas qu'on reconnaisse ton corps après l'autopsie. Il n'y a pas de mort digne. Il n'y a pas de mort digne. Et tu dignes de vivre dans cette crasse qu'on a. Faut que tu étudies ces livres, car le crack nous a. En plus tu me dis que t'es ivre. Dans le crack tu bois le coup les habits. Survivre pour une mort digne.